Chapitre 5e. Attaque nocturne. Le départ du colonel n'était pas sans nous laisser de vives inquiétudes. Il se rattachait évidemment à un passé que nous avions cru fermé à jamais. Mais que faire? Se lancer sur les traces de Sir Edward Munro? Nous ignorions quelle direction il avait prise, quel point de la frontière népalaise il se proposait d'atteindre. Nous ne pouvions, d'autre part, nous dissimuler que s'il n'avait parlé de rien à Banks, c'est parce qu'il craignait les observations de son ami auxquelles il voulait se soustraire. Banks regretta vivement de nous avoir suivis dans cette expédition. Il fallait donc se résigner et attendre. Le colonel Munro serait certainement de retour avant la fin d'août, ce mois étant le dernier que nous dussions passer au sanitarium avant de prendre, à travers le sud-ouest, la route de Bombay. Callaghany, bien soigné par Banks, ne resta que 24 heures à Streamhouse. Sa blessure devait rapidement se cicatriser et il nous quitta pour aller reprendre son service au Kraal. Le mois d'août commença encore par des pluies violentes, un temps à enrhumer des grenouilles, disait le capitaine Hodd. Mais en somme, il devait être moins pluvieux que le mois de juillet et par conséquent plus propice à nos excursions dans le Tariani. Cependant, les rapports étaient fréquents avec le Kraal. Mathias van Guit ne laissait pas d'être peu satisfait. Il comptait lui aussi quitter le campement dans les premiers jours de septembre. Or, un lion, deux tigres, deux léopards manquaient encore à sa ménagerie et il se demandait s'il pourrait compléter sa troupe. En revanche, à défaut des acteurs qu'il voulait engager pour le compte de ses commettants, d'autres vinrent se présenter à son agence dont il n'avait que faire. C'est ainsi que dans la journée du 4 août, un bel ours se fit prendre dans l'un de ses pièges. Nous étions précisément au Kraal, lorsque ces chicaris lui amenèrent dans la cage roulante un prisonnier de grande taille, fourrure noire, griffes acérées, longues oreilles garnies de poils, ce qui est spécial à ces représentants de la famille des ursins dans les Indes. « Eh, qu'ai-je besoin de cet inutile tardigrade ? » s'écria le fournisseur en haussant les épaules. « frère ballon !» répétaient les hindous. Il paraît que si les hindous ne sont que les neveux des tigres, ils sont les frères des ours. Mais Mathias van Guit, nonobstant ce degré de parenté, reçut frère Ballon avec un sentiment de mauvaise humeur peu équivoque. Prendre des ours quand il lui fallait des tigres, ce n'était pas pour le contenter. Que ferait-il de cette importune bête? Il lui convenait peu de la nourrir sans espoir de rentrer dans ses frais. L'ours indien n'est que peu demandé sur les marchés de l'Europe. Il n'a pas la valeur marchande du grizzly d'Amérique, ni celle de l'ours polaire. C'est pourquoi Mathias van Guit, bon commerçant, ne se souciez pas d'un animal encombrant dont il ne trouverait que difficilement à se défaire. « Le voulez-vous » demanda-t-il au capitaine Hodd. « Et que voulez-vous que j'en fasse ?» répondit le capitaine. « Vous en ferez des beefsteaks, » dit le fournisseur, « si toutefois je puis employer cette catacrèse. »« Monsieur Van Guit, » répondit sérieusement Banks, « la catacrèse est une figure permise quand, à défaut de toute autre expression, elle rend convenablement la pensée. »« C'est aussi mon avis, » répliqua le fournisseur. « Eh bien, Hodd, » dit Banks, prenez-vous ou ne prenez-vous pas l'ours de M. Van Guit? Ma foi, non, répondit le capitaine Hodd. Manger des beefsteaks d'ours quand l'ours est tué passe encore. Mais tuer l'ours exprès pour manger ses beefsteaks, cela ne me met pas en appétit. Alors qu'on rende ce plantigrade à la liberté, dit Mathias Van Guit en se retournant vers ses chicaris. On obéit au fournisseur. La cage fut ramenée hors du Kraal. Un des hindous en ouvrit la porte. Frère Ballon, qui semblait tout honteux de sa situation, ne se le fit pas dire deux fois. Il sortit tranquillement de la cage, fit un petit hochement de tête que l'on pouvait prendre pour un remerciement, et il détala en poussant un grognement de satisfaction. « C'est une bonne action que vous avez faite là, » dit Banks. « Cela vous portera bonheur, monsieur Van Guit. » Banks ne savait pas dire si juste. La journée du 6 août devait récompenser le fournisseur en lui procurant un des fauves qui manquait à sa ménagerie. Voici dans quelles circonstances. Mathias van Guit, le capitaine Hodd et moi, accompagnés de Fox, du mécanicien Store et de Callaghany, nous battions, depuis l'aube, un épais fourré de cactus et de lentisques lorsque des hurlements à demi étouffés se firent entendre. Aussitôt, nos fusils prêts à faire feu, bien groupés tous les six, de manière à nous garder contre une attaque isolée, nous nous dirigeons vers l'endroit suspect. 50 pas plus loin, le fournisseur nous faisait faire halte. À la nature des rugissements, il semblait avoir reconnu ce dont il s'agissait et en s'adressant tout spécialement au capitaine Hodd. « Surtout pas de coup de feu inutile, » dit-il, puis, s'étant avancé de quelques pas, tandis que sans signe de lui nous restions en arrière. « Un lion ! » s'écria-t-il. En effet, à l'extrémité d'une forte corde, attachée à la fourche d'une solide branche d'arbre, un animal se débattait. C'était bien un lion, un de ces lions sans crinière, que cette particularité distingue de leurs congénères d'Afrique, mais un véritable lion, le lion réclamé par Matthias van Guitt. La farouche bête, pendue par une de ses pattes de devant, que serrait le noeud coulant de la corde, donnait de terribles secousses sans parvenir à se dégager. Le premier mouvement du capitaine Hod, malgré la recommandation du fournisseur, fut de faire feu. « Ne tirez pas, capitaine !» s'écria Matthias van Guitt. « Je vous en conjure, ne tirez pas !»« Mais non, non !» vous dis-je. « Ce lion s'est pris à l'un de mes pièges et il m'appartient !» C'était un piège, en effet, un piège potence, à la fois très simple et très ingénieux. Une corde résistante est fixée à une branche d'arbre forte et flexible. Cette branche est recourbée vers le sol, de manière que l'extrémité inférieure de la corde, terminée par un nœud coulant, puisse être engagée dans l'entaille d'un pieu solidement fiché en terre. À ce pieu, on place un appât, de telle façon que si un animal veut y toucher, il devra engager dans le nœud soit sa tête, soit l'une de ses pattes. Mais à peine l'a-t-il fait que l'appât, si peu qu'il ait été remué, dégage la corde de l'entaille, la branche se redresse, l'animal est enlevé, et au même moment, un lourd cylindre de bois, glissant le long de la corde, tombe sur le nœud, l'assujettit fortement et empêche qu'il puisse se desserrer sous les efforts du pendu. Ce genre de piège est fréquemment dressé dans les forêts de l'Inde, et les fauves s'y laissent prendre beaucoup plus communément qu'on ne serait tenté de le croire. Le plus souvent, il arrive que la bête est saisie par le cou, ce qui amène une strangulation presque immédiate, en même temps que sa tête est à demi fracassée par le lourd cylindre de bois. Mais le lion qui se débattait sous nos yeux n'avait été pris que par la patte. Il était donc vivant, bien vivant, et digne de figurer parmi les hôtes du fournisseur. Matthias van Guitt, enchanté de l'aventure, dépêcha Kalagani vers le kraal avec ordre d'en ramener la cage roulante sous la conduite d'un charretier. Pendant ce temps, nous pûmes observer tout à l'aise l'animal, dont notre présence redoublait la fureur. Le fournisseur, lui, ne le quittait pas des yeux. Il tournait autour de l'arbre, ayant soin, d'ailleurs, de se tenir hors de portée des coups de griffe que le lion détachait à droite et à gauche. Une demi-heure après, arrivait la cage, traînée par deux buffles. On y descendait le pendu, non sans quelque peine, et nous reprenions le chemin du kraal. « Je commençais véritablement à désespérer, » nous dit Matthias van Guitt. « Les lions ne figurent pas pour un chiffre important parmi les bêtes némorales de l'Inde. »« Némorales, » dit le capitaine Hod. « Oui, les bêtes qui hantent les forêts. Et je m'applaudis d'avoir pu capturer ce fauve qui fera honneur à ma ménagerie. » Du reste, Matthias van Guitt, à dater de ce jour, n'eut plus à se plaindre de la malchance. Le 11 août, deux léopards furent pris conjointement dans ce premier piège à tigre dont nous avions extrait le fournisseur. C'était de cheetahs, semblable à celui qui avait si audacieusement attaqué le géant d'acier dans les plaines du Rohilkhand et dont nous n'avions pu nous emparer. Il ne manquait plus que deux tigres pour que le stock de Matthias van Guitt fût complet. Nous étions au 15 août. Le colonel Munro n'avait pas encore reparu. Des nouvelles de lui, pas la moindre. Banks était inquiet plus qu'il ne le voulait paraître. Il interrogea Kalagani, qui connaissait la frontière népalaise, sur les dangers que pouvait courir Sir Edward Munro à s'aventurer sur ces territoires indépendants. L'hindou lui assura qu'il ne restait plus un seul des partisans de Nana Sahib aux confins du Tibet. Toutefois, il parut regretter que le colonel ne l'eût pas choisi pour guide. Ses services lui auraient été très utiles dans un pays dont les moindres sentiers lui étaient connus, mais il ne fallait pas songer maintenant à le rejoindre. Cependant, le capitaine Hod et Fox, plus particulièrement, continuaient leurs excursions dans le Tariani. Aidés des shikaris du kraal, ils parvinrent à tuer trois autres tigres de moyenne taille, non sans grand risque. Deux de ces fauves furent portés au compte du capitaine, le troisième au compte du brosseur. 48, dit Hod, qui aurait bien voulu atteindre le chiffre rond de 50 avant de quitter l'Himalaya. 39, avait dit Fox, sans parler d'une redoutable panthère qui était tombée sous ses balles. Le 20 août, l'avant-dernier des tigres réclamé par Matthias van Guitt se fit prendre dans une de ces fosses auxquelles, soit instinct, soit hasard, ils avaient échappé jusqu'alors. L'animal, ainsi qu'il arrive le plus souvent, se blessa dans sa chute, mais la blessure ne présentait aucune gravité. Quelques jours de repos suffiraient à assurer sa guérison, et il n'y devait plus rien paraître lorsque la livraison serait faite pour le comte de Hagenbeck de Hambourg. L'emploi de ces fosses est regardé par les connaisseurs comme une méthode barbare. Lorsqu'il ne s'agit que de détruire les animaux, il est évident que tout moyen est bon. Mais quand on tient à les prendre vivants, la mort est trop souvent la conséquence de leur chute, surtout lorsqu'ils tombent dans ces fosses profondes de 15 à 20 pieds qui sont destinées à la capture des éléphants. Sur 10, à peine peut-on compter en retrouver un qui n'ait quelques fractures mortelles. Aussi, même dans le Mysore, où ce système est surtout préconisé, nous dit le fournisseur, on commence à l'abandonner. En fin de compte, il ne manquait plus qu'un tigre à la ménagerie du Kraal, et Mathias Van Guitt aurait bien voulu le tenir en cage. Il avait hâte de partir pour Bombay. Ce tigre, il ne devait pas tarder à s'en rendre maître, mais à quel prix? Cela demande à être raconté avec quelques détails, car l'animal fut chèrement, trop chèrement payé. Une expédition avait été organisée par les soins du capitaine Hod pour la nuit du 26 août. Les circonstances prêtaient à ce que la chasse se fît dans des circonstances favorables, ciel dégagé de nuages, atmosphère calme, lune en décroissance. Lorsque les ténèbres sont très profondes, les fauves quittent moins volontiers leurs repères, tandis qu'une demi-obscurité les y invite. Précisément, le ménisque, un mot de Mathias Van Guitt qui s'applique au croissant lunaire, le ménisque allait jeter quelques lueurs après minuit. Le capitaine Hod et moi, Fox et Storr, qui prenaient goût, nous formions le noyau de cette expédition, à laquelle devaient se joindre le fournisseur, Kalagani, et quelques-uns de ses hindous. Donc, le dîner achevé, après avoir pris congé de Banks, qui avait décliné l'invitation de nous accompagner, nous quittâmes Steamhouse vers 7 heures du soir, et à 8, nous arrivions au Kraal, sans avoir fait aucune rencontre fâcheuse. Mathias Van Guitt achevait de souper en ce moment. Il nous reçut avec ses démonstrations ordinaires. On tint conseil et le plan de chasse fut aussitôt arrêté. Il s'agissait d'aller prendre l'affût sur le bord d'un torrent, au fond de l'un de ces ravins qu'on appelle Nulla, à 2 milles du Kraal, en un endroit qu'un couple de tigres visitait assez régulièrement pendant la nuit. Aucun appât n'y avait été préalablement placé. Au dire des hindous, c'était inutile. Une battue, récemment faite dans cette portion du Tariani, prouvait que le besoin de se désaltérer suffisait à attirer les tigres au fond de cette nulle-là. On savait aussi qu'il serait facile de s'y poster avantageusement. Nous ne devions pas quitter le Kraal avant minuit. Or, il n'était encore que 7 heures. Il s'agissait donc d'attendre sans trop s'ennuyer le moment du départ. « Messieurs, nous dit Mathias Van Guitt, mon habitation est tout entière à votre disposition. Je vous engage à faire comme moi, à vous coucher. » Il s'agit d'être plus que matinal, et quelques heures de sommeil ne peuvent que nous mieux préparer à la lutte. « Est-ce que vous avez envie de dormir, Mauclair ?» me demanda le capitaine Hod. « Non, » répondis-je, « j'aime mieux attendre l'heure en me promenant que d'être forcé de me réveiller en plein sommeil. »« Comme il vous plaira, messieurs, » répondit le fournisseur. « Pour moi, j'éprouve déjà ce clignotement spasmodique des paupières que provoque le besoin de dormir. Vous le voyez, j'en suis déjà au mouvement de pendiculation. » Et Mathias Van Guitt, levant les bras, renversant la tête et le tronc en arrière, par une involontaire extension des muscles abdominaux, laissa échapper quelques bâillements significatifs. Donc, quand il l'eut bien pendiculé tout à son aise, il nous fit un dernier geste d'adieu, entra dans sa case, et sans doute, il ne tarda pas à s'y endormir. « Et nous, qu'allons-nous faire ? » demandai-je. « Promenons-nous, Mauclair, » me répondit le capitaine Hod. « Promenons-nous dans le Kraal. La nuit est belle, et je serais plus dispos au départ que si je me mettais 3 ou 4 heures de sommeil sur les yeux. D'ailleurs, si le sommeil est notre meilleur ami, c'est un ami qui souvent se fait bien attendre. » Nous voilà donc arpentant le Kraal, songeant et causant tour à tour. Storr, que son meilleur ami n'avait pas l'habitude de faire attendre, était couché au pied d'un arbre et dormait déjà. Les chicaris et les charretiers s'étaient également blottis dans leur coin, et il n'y avait plus personne qui veillait dans l'enceinte. C'était inutile en somme, puisque le Kraal, entouré d'une solide palissade, était parfaitement clos. Kalagani alla s'assurer lui-même que la porte avait été soigneusement fermée. Puis, cela fait, après nous avoir donné le bonsoir en passant, il regagna la demeure commune à ses compagnons et à lui. Le capitaine Hod et moi, nous étions absolument seuls. Non seulement les gens de Van Guitt, mais les animaux domestiques et les fauves dormaient également, ceux-ci dans leur cage, ceux-là groupés sous les grands arbres à l'extrémité du Kraal, silence complet au-dedans comme au-dehors. Notre promenade nous amena d'abord vers la place occupée par les buffles. Ces magnifiques ruminants, doux et dociles, n'étaient pas même entravés. Habitués à reposer sous le feuillage de gigantesques érables, nous les voyions là, tranquillement étendus, les cornes enchevêtrées, les pattes repliées sous eux, et l'on entendait une lente et bruyante respiration qui sortait de ces masses énormes. Ils ne se réveillèrent même pas à notre approche. L'un d'eux seulement redressa un instant sa grosse tête, jeta sur nous ce regard sans fixité qui est particulier aux animaux de cette espèce, puis il se confondit de nouveau dans l'ensemble. Voilà à quel état les réduit la domesticité, ou plutôt la domestication, dis-je au capitaine. Oui, me répondit Hod, et cependant, ces buffles sont de terribles animaux quand ils vivent à l'état sauvage. Mais s'ils ont pour eux la force, ils n'ont pas la souplesse, et que peuvent leurs cornes contre la dent des lions ou la griffe des tigres? Décidément, l'avantage est aux fauves. Tout en causant, nous étions revenus vers les cages. Là aussi, repos absolu. Tigres, lions, panthères, léopards dormaient dans leurs compartiments séparés. Mathias Van Guitt ne les réunissait pas lorsqu'ils étaient assouplis par quelques semaines de captivité, et il avait raison. Très certainement, en effet, ces féroces animaux, au premier jour de leur séquestration, se seraient dévorés entre eux. Les trois lions, absolument immobiles, étaient couchés en demi-cercle comme de gros chats. On ne voyait plus leur tête, perdus dans un épais manchon de fourrure noire, et ils dormaient du sommeil du juste. Assoupissement moins complet dans les compartiments des tigres. Des yeux ardents flamboyaient dans l'ombre. Une grosse patte s'allongeait de temps en temps et griffait les barreaux de fer. C'était un sommeil de carnassier qui ronge leurs freins. « Ils font de mauvais rêves et je comprends cela, » dit le compatissant capitaine. Quelques remords, sans doute, agitaient aussi les trois panthères, ou tout au moins quelques regrets. À cette heure, libres de tout lien, elles auraient couru la forêt. Elles auraient rôdé autour des pâturages, en quête de chair vivante. Quant aux quatre léopards, nul cauchemar ne troublait leur sommeil. Ils reposaient paisiblement. Deux de ces félins, le mâle et la femelle, occupaient la même chambre à coucher et se trouvaient aussi bien là que s'ils eussent été au fond de leur tanière. Un seul compartiment était vide encore, celui que devait occuper le sixième et imprenable tigre, dont Mathias Van Guitt n'attendait plus que la capture pour quitter le Tariani. Notre promenade dura une heure à peu près. Après avoir fait le tour de l'enceinte intérieure du kraal, nous revînmes prendre place au pied d'un énorme mimosa. Un silence absolu régnait dans la forêt tout entière. Le vent, qui bruissait encore à travers le feuillage à la tombée du jour, s'était tu. Pas une feuille ne remuait aux arbres. L'espace était aussi calme à la surface du sol que dans ces hautes régions, vides d'air, où la lune promenait son disque à demi rongé. Le capitaine Hod et moi, assis l'un près de l'autre, nous ne causions plus. Le sommeil ne nous envahissait pas, cependant. C'était plutôt cette sorte d'absorption, plus morale que physique, dont on subit l'influence pendant le repos parfait de la nature. On pense, mais on ne formule point sa pensée. On rêve, comme rêverait un homme qui ne dormirait pas, et le regard, que les paupières ne voilent pas encore, tend plutôt à se perdre dans quelques visions fantastiques. Cependant, une particularité étonnait le capitaine, et parlant à voix basse ainsi qu'on le fait presque inconsciemment lorsque tout se tait autour de soi, il me dit « Mauclair, un pareil silence a lieu de me surprendre. Les fauves rugissent habituellement dans l'ombre, et pendant la nuit, la forêt est bruyante. À défaut de tigres ou de panthères, ce sont les chacals qui ne chôment jamais. Ce kraal, empli d'êtres vivants, devrait les attirer par centaines, et pourtant nous n'entendons rien, pas un seul craquement du bois sec sur le sol, pas un seul hurlement au dehors. Si Mathias Van Guitt était éveillé, il ne serait pas moins surpris que moi, sans doute, et il trouverait quelques mots étonnants pour exprimer sa surprise. « Votre observation est juste, mon cher Hod, répondis-je, et je ne sais à quelle cause attribuer l'absence de ces rôdeurs de nuit. Mais prenons garde à nous-mêmes, ou bien, au milieu de ce calme, nous finirions par nous endormir. « Résistons, résistons !» répondit le capitaine Hod, en se détirant les bras. « L'heure approche à laquelle il faudra partir. » Et nous nous reprîmes à causer par phrases qui traînaient, entrecoupées de longs silences. Combien de temps dura cette rêverie, je n'aurais pu le dire. Mais soudain, une sourde agitation se produisit qui me tira subitement de cet état de somnolence. Le capitaine Hod, également secoué de sa torpeur, s'est élevé en même temps que moi. Il n'y avait pas à en douter, cette agitation venait de se produire dans la cage des fauves. Lions, tigres, panthères, léopards, tout à l'heure si paisibles, faisaient entendre maintenant un sourd murmure de colère. Debout dans leur compartiment, allant et venant à petits pas, ils aspiraient fortement quelque émanation du dehors, et se dressaient en renaclant contre les barreaux de fer de leur compartiment. « Qu'ont-ils donc ? » demandai-je. « Je ne sais, » répondit le capitaine Hodd, « mais je crains qu'ils n'aient senti l'approche de... » Tout à coup, de formidables rugissements éclatèrent autour de l'enceinte du kraal. « Des tigres !» s'écria le capitaine Hodd en se précipitant vers la case de Mathias Van Guit. Mais, telle avait été la violence de ces rugissements, que tout le personnel du kraal était déjà sur pied et le fournisseur, suivi de ses gens, apparaissait sur la porte. « Une attaque !» s'écria-t-il. « Je le crois !» répondit le capitaine Hodd. « Attendez, il faut voir !» Et sans prendre le temps d'achever sa phrase, Mathias Van Guit, saisissant une échelle, la dressa contre la palissade. En un instant, il en eut atteint le dernier échelon. « 10 tigres et 12 de panthères » s'écria-t-il. « Ça sera sérieux !» répondit le capitaine Hodd. « Nous voulions aller les chasser, et ce sont eux qui nous donnent la chasse. « Au fusil ! Au fusil !» cria le fournisseur. Et tous, obéissant à ses ordres, en 20 secondes, nous étions prêts à faire feu. Ces attaques d'une bande de fauves ne sont pas rares aux Indes. Combien de fois les habitants des territoires fréquentés par les tigres, plus particulièrement ceux des Sundarbans, n'ont-ils pas été assiégés dans leurs habitations? C'est là une redoutable éventualité, et trop souvent, c'est aux assaillants que reste l'avantage. Cependant, à ces rugissements du dehors, s'étaient joints les hurlements du dedans. Le kraal répondait à la forêt. On ne pouvait plus s'entendre dans l'enceinte. « Aux palissades !» s'écria Mathias Van Guit, qui se fit comprendre par le geste plutôt que par la voix. Et chacun de nous se précipita vers l'enceinte. En ce moment, les buffles, en proie à l'épouvante, se démenaient pour quitter la place où ils étaient parqués, les charretiers essayaient en vain de les y retenir. Soudain, la porte, dont la barre était mal assujettie sans doute, s'ouvrit violemment et une bande de fauves força l'entrée du kraal. Cependant, Kalagani avait fermé cette porte avec le plus grand soin, ainsi qu'il le faisait chaque soir. « À la case ! À la case !» cria Mathias Van Guit en s'élançant vers la maison qui seule pouvait offrir un refuge. « Mais aurions-nous le temps d'y arriver ?» Déjà deux des shikaris atteints par les tigres venaient de rouler à terre. Les autres, ne pouvant plus atteindre la case, fuyaient à travers le kraal, cherchant un abri quelconque. Le fournisseur, Stor et 6 des hindous étaient déjà dans la maison, dont la porte fut refermée au moment où 2 panthères allaient s'y précipiter. Kalagani, Fox et les autres, s'accrochant aux arbres, s'étaient hissés dans les premières branches. Le capitaine Hodd et moi, nous n'avions eu ni le temps ni la possibilité de rejoindre Mathias Van Guit. « Mauclair ! Mauclair ! » cria le capitaine Hodd, dont le bras droit venait d'être déchiré par un coup de griffe. D'un coup de sa queue, un énorme tigre m'avait jeté à terre. Je me relevai au moment où l'animal revenait sur moi et je courus au capitaine Hodd pour lui porter secours. Un seul refuge nous restait alors. C'était le compartiment vide de la 6e cage. En un instant, Hodd et moi, nous nous y étions blottis et la porte refermée nous mettait momentanément à l'abri des fauves qui se jetaient en hurlant sur les barreaux de fer. Tel fut alors l'acharnement de ces bêtes furieuses, joint à la colère des tigres emprisonnés dans les compartiments voisins, que la cage, oscillant sur ses roues, fut sur le point d'être chavirée. Mais les tigres l'abandonnèrent bientôt pour s'attaquer à quelques proies plus sûres. Quelle scène, dont nous ne perdions qu'un détail en regardant à travers les barreaux de notre compartiment. « C'est le monde renversé !» s'écria le capitaine Hodd, qui enrageait. « Eux dehors et nous dedans !»« Et votre blessure ? » demandai-je. « Ce n'est rien !» 5 ou 6 coups de feu éclatèrent en ce moment. Ils partaient de la case, occupée par Mathias Van Guit, contre laquelle s'acharnaient 2 tigres et 3 panthères. L'un de ces animaux tomba foudroyé d'une balle explosible qui devait sortir de la carabine de Stor. Quant aux autres, ils s'étaient tout d'abord précipités sur le groupe des buffles et ces malheureux ruminants allaient se trouver sans défense contre de tels adversaires. Fox, Kalagani et les hindous, qui avaient dû jeter leurs armes pour grimper plus vite dans les arbres, ne pouvaient leur venir en aide. Cependant, le capitaine Hodd, passant sa carabine à travers les barreaux de notre cage, fit feu. Bien que son bras droit, à demi paralysé par sa blessure, ne lui permît pas de tirer avec sa précision habituelle, il eut la chance d'abattre son 49e tigre. À ce moment, les buffles, affolés, se précipitèrent en beuglant à travers l'enceinte. Vainement, ils essayèrent de faire tête aux tigres, qui, par des bonds formidables, échappaient aux coups de corne. L'un d'eux, coiffé d'une panthère, dont les griffes lui déchiraient le garrot, arriva devant la porte du kraal et s'élança au dehors. 5 ou 6 autres, serrés de plus près par les fauves, s'échappèrent à sa suite et disparurent. Quelques-uns des tigres se mirent à leur poursuite, mais ceux de ces buffles, qui n'avaient pu abandonner le kraal, égorgés, éventrés, gisaient déjà sur le sol. Cependant, d'autres coups de feu éclataient à travers les fenêtres de la case. De notre côté, le capitaine Hood et moi, nous faisions de notre mieux. Un nouveau danger nous menaçait. Les animaux, renfermés dans les cages, surexcités par l'acharnement de la lutte, l'odeur du sang, les hurlements de leurs congénères, se débattaient avec une indescriptible violence. Allaient-ils parvenir à briser leurs barreaux? Nous devions véritablement le craindre. En effet, une des cages à tigres fut renversée. Je crus un instant que ces parois rompues leur avaient livré passage. Il n'en était rien, heureusement, et les prisonniers ne pouvaient même plus voir ce qui se passait au dehors, puisque c'était la face grillagée de leur cage qui posait sur le sol. « Décidément, il y en a trop !» murmura le capitaine Hood en rechargeant sa carabine. À ce moment, un tigre fit un bond prodigieux et ses griffes aidant, il parvint à s'accrocher à la fourche d'un arbre sur laquelle deux ou trois chicaris avaient cherché refuge. L'un de ces malheureux, saisi à la gorge, essaya vainement de résister et fut précipité à terre. Une panthère vint disputer au tigre ce corps déjà privé de vie, dont les os craquèrent au milieu d'une mare de sang. « Mais feu, feu donc !» criait le capitaine Hood, comme s'il eût pu se faire entendre de Mathias Van Guitt et de ses compagnons. Quant à nous, impossible d'intervenir maintenant, nos cartouches étaient épuisées et nous ne pouvions plus être que les spectateurs impuissants de cette lutte. Mais voici que, dans le compartiment voisin du nôtre, un tigre, qui cherchait à briser ses barreaux, parvint, en donnant une secousse violente, à rompre l'équilibre de la cage. Elle oscilla un instant et se renversa presque aussitôt. Contusionnés légèrement dans la chute, nous nous étions relevés sur les genoux. Les parois avaient résisté, mais nous ne pouvions plus rien voir de ce qui se passait au dehors. Si l'on ne nous voyait pas, on entendait du moins. Quel sabbat de hurlements dans l'enceinte du kraal! Quelle odeur de sang imprégnait l'atmosphère! Il semblait que la lutte eût pris un caractère plus violent. Que s'était-il donc passé? Les prisonniers des autres cages s'étaient-ils échappés? Attaquaient-ils la case de Mathias Van Guitt? Tigres et panthères s'élançaient-ils sur les arbres pour en arracher les hindous? Et ne pouvoir sortir de cette boîte? S'écria le capitaine Hood, en proie à une rage véritable. Un quart d'heure environ, un quart d'heure dont nous comptions les interminables minutes, s'écoula dans ces conditions. Puis, le bruit de la lutte diminua peu à peu. Les hurlements s'affaiblirent, les bonds des tigres qui occupaient les compartiments de notre cage devinrent plus rares. Le massacre avait-il donc pris fin? Soudain, j'entendis la porte du kraal qui se refermait avec fracas. Puis, Kalagani nous appela à grands cris. À sa voix se joignait celle de Fox, répétant « Mon capitaine! Mon capitaine! Par ici !» répondit Hood. Il fut entendu et presque aussitôt, je sentis que la cage se relevait. Un instant après, nous étions libres. « Fox, Storr !» s'écria le capitaine, dont la première pensée fut pour ses compagnons. « Présent !» répondirent le mécanicien et le brosseur. Ils n'étaient pas même blessés. Mathias Van Guitt et Kalagani se trouvaient également sains et saufs. Deux tigres et une panthère gisaient sans vie sur le sol. Les autres avaient quitté le kraal, dont Kalagani venait de refermer la porte. Nous étions tous en sûreté. Aucun des fauves de la ménagerie n'était parvenu à s'échapper pendant la lutte, et même le fournisseur comptait un prisonnier de plus. C'était un jeune tigre, emprisonné dans la petite cage roulante, qui s'était renversée sur lui et sous laquelle il avait été pris comme dans un piège. Le stock de Mathias Van Guitt était donc au complet, mais que cela lui coûtait cher. Cinq de ses buffles étaient égorgés, les autres avaient pris la fuite, et trois des hindous, horriblement mutilés, nageaient dans leur sang sur le sol du kraal.